الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala cette série de cours de lecture des 40 hadiths de Nawawi rahimahullah, avec des explications et les quelques règles à tirer de ces hadiths. Nous en sommes au 15e hadith. Nous avons fini le 14e hadith dans le dernier cours, inshallah. Le hadith al-khamis 10 an Abi Hurayra radiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. Donc le 15e hadith selon Abu Huraira رضي الله عنه. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise une bonne chose ou qu'il garde le silence. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit bon avec son voisin. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit hospitalier à l'égard de son hôte, de son invité. Ce hadith, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, sur lequel ils se sont mis d'accord sur le texte, mais dans Al-Bukhari et Muslim, au lieu de qu'il soit bon avec son voisin, c'est qu'il ne fasse pas du mal à son voisin. Et la parole qu'il soit bon avec son voisin n'est que chez Muslim, n'est que chez l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans ce hadith trois caractéristiques parmi les caractéristiques de la foi avec lesquelles la personne atteint la complétude de la foi obligatoire, c'est-à-dire le minimum obligatoire dans la complétude de la foi. La première caractéristique, elle est liée au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que la personne dise du bien ou qu'il garde le silence. Les deux autres caractéristiques sont liées au droit des créatures, des serviteurs d'Allah, qui sont le fait d'honorer le voisin ou de ne pas lui faire de mal, et le fait d'être hospitalier avec l'invité, avec son hôte. Quand on dit en islam honorer son voisin, être hospitalier avec son hôte, est-ce qu'il y a une description détaillée de comment on doit être honoré, comment on doit honorer son voisin, ou comment être hospitalier avec son hôte? Non. Ceci a été retourné aux bons us et aux bonnes coutumes des gens. C'est-à-dire, ce qui est considéré comme de la bonté dans la coutume, bien sûr qui n'est pas contradictoire aux règles religieuses. Parce que si on dit dans la coutume, on sous-entend la bonne coutume, la coutume acceptable. Pas les coutumes qui sont contradictoires aux règles de l'islam. Donc ce qui est reconnu comme bonté, comme générosité, comme le fait d'honorer, de respecter son voisin dans la coutume, dans les us et coutumes, alors c'est ce que l'islam demande. Car dans certains pays, il y a des choses quand on ne les fait pas, c'est considéré comme un manque de respect envers le voisin. Dans d'autres pays, non, ce n'est pas un manque de respect. Ou dans des régions, de région en région, ça diffère. De même pour l'invité. Le fait d'être hospitalier envers lui, selon les coutumes et les us, il y a différentes manières d'être hospitalier envers l'invité, envers l'autre. Donc, pour ces questions-là, l'islam n'a pas donné une manière spécifique minimale qui est considérée comme honorée ou être bon envers son voisin ou son hôte. Mais il a laissé cela à la coutume et aux us et aux habitudes des gens. Donc, tout ce qui rentre dans le fait d'honorer et d'être bon dans la coutume, ce sera considéré comme ce que l'islam te demande de faire. Voilà certains points de la coutume qui peuvent parfois même être obligatoires. Car si on ne le fait pas, cela mène à l'interdit. Qui est quoi? De ne pas honorer son voisin, ou de lui faire du mal, ou de ne pas honorer son invité, alors que l'islam a demandé d'honorer et d'être hospitalier envers son hôte. Donc il faut savoir que dans les règles religieuses, quand il s'agit des droits des gens, il y a beaucoup de règles dans lesquelles le détail de la manière de faire est retourné à la coutume et aux us et aux bons usages. Et aux bons usages. D'ailleurs, les bons usages et la coutume ont leur place dans la législation islamique à condition qu'ils ne contredisent pas les lois. Mais ceux qui viennent s'appuyer sur les bons usages et la coutume pour contredire les lois religieuses, non, ceci est refusé. Ceci n'est pas d'ailleurs considéré comme un bon usage, mais il sera considéré comme un mauvais usage. Et parce que aussi les temps changent. Par exemple, ce qui était considéré comme du bon voisinage dans un village il y a 300 ans, ce n'est pas spécialement ce qui est demandé aujourd'hui dans les cités où il y a des grandes tours partout, 300 ans plus tard. N'est-ce pas? Si dans un grand quartier, il faut faire les mêmes choses que dans un village, peut-être que les gens ne seraient pas capables de faire cela. Concernant les voisins, il y a certains hadiths qui sont rapportés que les voisins sont de tant, tant de maisons, mais il n'y a rien d'authentique en cela. Il n'y a rien d'authentique sur le fait de déterminer à partir de combien de maisons ils ne sont plus des voisins. En réalité, ceci revient aussi à l'habitude des gens et aux us et aux coutumes. Concernant l'invité, ad-daif, ce mot, il a une spécificité et une définition précise en islam, ad-daif, l'invité, qui n'est pas ce que nous croit quand on dit celui-là, cette personne est mon invité. L'invité en islam, c'est la personne qui vient de l'extérieur de la ville où tu habites et qui est venue spécialement pour te visiter. Ça, c'est un invité. Par contre, une personne de la même ville ou du même coin qui vient te visiter, on appelle ça un visiteur, Zahir. Et l'islam a donné un droit supérieur à l'invité, celui qui vient de loin. Parce que il n'est pas dans sa contrée, il n'est pas dans sa ville, il n'a pas ses repères. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé d'accueillir l'invité chez soi, ne serait-ce qu'une nuit et un jour. Ça c'est le minimum d'obdiyaf, de l'invitation, que tu l'accueilles chez toi une nuit. Trois nuits et trois jours, c'est le minimum de ce qui est complet. Après cela, c'est selon ton bon vouloir. Selon ton bon vouloir. Bien sûr, si c'est possible. Si tu es dans une pièce où il y a ta femme, tes enfants et tu ne peux pas l'accueillir. Si tu n'es pas capable, si tu as les moyens financiers, tu lui payes une chambre aussi. Par exemple, si tu ne peux pas l'accueillir chez toi, tu lui payes la chambre d'hôtel pour la première nuit. Ça c'est le... S'il est venu te visiter toi, personnellement. Donc, on voit dans ce hadith trois caractéristiques, parmi les caractéristiques de la complétude de la foi, et qui sont obligatoires. Car parmi les caractéristiques de la complétude de la foi, il y a certaines caractéristiques qui sont surérogatoires, d'autres qui sont obligatoires. Ici, le fait de se taire De dire du bien ou de garder le silence, c'est obligatoire. Car la personne, s'il ne garde pas le silence, il va dire quoi? Du mal. Est-ce qu'en islam, c'est permis de dire du mal? Il ne peut pas dire du mal. Ou il pourrait dire une parole dans laquelle il n'y a ni du bien ni du mal. Ce serait du lahou, qui n'a aucune importance. Alors, si la personne fait cet effort de vérifier, de se demander des comptes avant de parler, et de dire, est-ce que ce que je vais dire, c'est du bien? Si c'est du bien, il le dit. C'est-à-dire, quand on dit c'est du bien, c'est-à-dire que la part de bien est supérieure au mal. Car parfois, il y a des paroles dans lesquelles il y a et un bien et un mal. Mais son bien est supérieur, son intérêt est supérieur. Dans ce cas-là, c'est du bien. Par contre, si l'intérêt et les méfaits sont égaux, ou le méfait est plus grand, alors il ne doit pas le dire. Il ne doit pas le dire, il doit garder le silence. Même si c'est la vérité. Certains vont dire, oui, mais ce que je dis, c'est vrai. L'islam t'a pas ordonné de dire tout ce qui est vrai. Il t'a demandé de dire tout ce qui est bien. Il y a une différence. Est-ce que vous ne connaissez pas le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la personne qui, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui énonce sur son frère une chose qu'il déteste, alors il aura médit sur lui. Et les compagnons lui répondent, même si cette chose est en lui, au messager d'Allah, même si cette chose est en lui, même si c'est vrai. Il a dit, oui, même si c'est vrai. Mais si ce n'est pas vrai, il aura calomnié. Là, il aura inventé une chose sur lui, qui est encore pire. Donc on voit ici un grand péché, qui est la médisance, qui fait partie des grands péchés, que Allah tabaraka wa ta'ala a comparé à une personne qui mange la chair d'une personne morte. C'est dire la vérité. C'est un péché, il a dit la vérité et il a fait un péché. Parmi les grands péchés. Et ça, beaucoup se font tromper par cela. Je dis pas de mal, ce que je dis c'est vrai. Mais est-ce que tout ce qui est vrai est bon à dire? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas même autorisé que l'homme il mente à sa femme concernant son physique ou autre? Dans ce qu'il lui dit? Ou pour réconcilier entre deux personnes? Par exemple, deux personnes se sont disputées et il va voir l'une, il va dire « Ah, il regrette, il voudrait tellement se réconcilier avec toi, même si c'est pas vrai. » Il aura fait une bonne action. Il pense pas ce qu'il dit, fait pas attention, il était en colère. Et il va voir l'autre, il lui dit la même chose. « Tu sais, il m'a déjà dit qu'il t'aimait beaucoup. » Maintenant, les gens, ils font le contraire. On a déjà entendu quelqu'un, il va parler comme ça pour réconcilier entre les gens. Non, c'est le contraire. Il parle sur toi, il ne t'aime pas, même si c'est pas vrai. Subhanallah, comment le mal, les gens sont attirés par le mal, et des choses faciles dans le bien, ils ont du mal à le faire, ils trouvent ça lourd. Donc l'islam demande de dire ce qui est bien. Dans ce qui est bien, il y a des choses, parfois, qui ne peuvent même pas être totalement concordantes avec la vérité, comme dans ces cas-là. Comme le cas d'un homme qui dit à sa femme, tu n'as pas pris une ride, même si elle a pris des dizaines de rides. N'est-ce pas? Mais l'islam a autorisé cela, car il n'y a pas de méfait dedans. Il n'y a pas un droit qui est mangé à qui que ce soit. Il ne fait que rajouter un peu de gaieté dans la maison. Il ne fait aucun mal. Donc il l'a autorisé. Comme le fait de réconcilier entre des gens aussi. Donc si l'islam a autorisé une sorte de mensonge, alors que le mensonge est très grave, pour réconcilier entre les gens, pour ce que l'homme dit à sa femme, ou pour la guerre, en cas de guerre, quand on veut tromper l'ennemi, c'est que quand l'intérêt le nécessite, et ce qui est demandé, c'est le bien. Attention, il ne faut pas aller faire des qiyas, des analogies comme Shaytan il a fait. Ah ben s'il y a un intérêt, je peux mentir. Non, l'islam a interdit le mensonge, dans tous les cas, sauf dans les cas précis. Donc, on voit ici l'importance de chercher à toujours dire le bien, sinon de se taire, et l'importance d'honorer et d'être bon envers ses voisins et envers les invités. Al-Hadith al-Sadis al-Ashar, an Abi Hurayrata radiallahu anhu, anna rajulan qala lil-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, awsini qala la taghdab, فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, un homme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais-moi une recommandation. Ne te mets pas en colère, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme répéta à plusieurs reprises. Et à chaque fois, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui disait, ne te mets pas en colère. Rapporté par le Bukhari. Ce hadith vient appuyer l'interdiction de la colère. Quand il interdit la colère, il interdit deux choses. La première chose, les causes qui mènent à la colère. Les causes qui mènent à la colère. La deuxième chose, les envies ou les idées qui viennent dans la personne quand il est en colère, de les mettre en pratique. L'interdiction de mettre en pratique ce qu'on a envie de faire sous la colère. Donc il est interdit combien de choses ? Les causes qui mènent à la colère. Et les ordres auxquels t'appelle la colère. Cette colère que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdite, c'est quand on se met en colère par vengeance pour soi. Pour libérer une vengeance qui est en soi parce qu'on nous a fait du mal. On nous a dit quelque chose qui nous déplaît. On nous a fait quelque chose qui nous déplaît. Alors, la personne, elle se met en colère. Est-ce que cela veut dire qu'il est toujours interdit et détestable de se mettre en colère? Non. Il y a une part de bien dans la colère. Quand la personne n'a aucune colère, il n'a aucune jalousie. Il voit le haram devant lui, ça lui fait rien. Il voit ses enfants et sa femme faire tout ce qu'Allah interdit, ça ne bouge rien en lui. Celui-là, il est mort. Celui-là, il a besoin d'un peu de colère. Mais quelle colère ? La colère pour Allah. C'est-à-dire, quand on voit les ordres d'Allah qui sont transgressés, ça nous met en colère. Cette colère est recommandée et aimée. Et même, elle peut être obligatoire. Mais cette colère, elle ne doit pas te pousser à agir d'une manière démesurée. Même si tu te mets en colère pour les limites d'Allah, tu dois agir selon les limites d'Allah. Selon la manière dont Allah tabaraka wa ta'ala aime. Et cette colère-là, c'est une preuve de la vivacité de la foi et de la complétude de la foi. Et que cette personne, sa religiosité est forte. Celui qui ne se met pas en colère quand les limites d'Allah sont transgressées, sa religiosité est faible. Et sa foi est faible. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné certaines choses à faire quand on est en colère. Et d'autres à ne pas faire. Parmi les choses à ne pas faire, parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de se taire quand on est en colère, de garder le silence. Car effectivement, quand on parle, quand on est en colère, on risque de dire beaucoup de mauvaises choses. Subhanallah, il y a même des gens aujourd'hui qui ne se contrôlent pas sous la colère, ils insultent Allah, ils insultent l'islam. Ils divorcent, ils cassent, ils blessent, ils tuent, ils brûlent. Après il dit j'étais en colère. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de se taire quand on est en colère. On garde le silence, on ne parle pas. Deuxième des choses, changer de situation. Si on est debout, on s'assoit. Si on est assis, on s'allonge. Il est rapporté d'ailleurs d'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était sur sa monture, une personne l'a mise en colère. Il lui a dit une parole qui l'a mis en colère. Il est descendu de sa monture, il s'est allongé par terre. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais ? Il lui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vous êtes en colère, allongez-vous. Et tu viens de me mettre en colère. Donc, certains ulama disent aussi faire les ablutions. Il n'y a pas de hadith sur ça, qui dit de faire les ablutions quand on est en colère. Il n'y a pas de hadith. Mais ils l'ont déduit du fait que la colère, elle vient de Shaitan. Et tu éteins cette colère par l'eau. Le feu de cette colère, tu peux l'éteindre par les ablutions. Wallahu a'lam. Quoi qu'il en soit, la personne doit s'éloigner des causes le menant à la colère. Et quand la colère l'atteint, Il doit patienter, se retenir et ne pas mettre en application ce à quoi la colère l'appelle, et plutôt faire les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de garder le silence, de changer de position, de s'allonger, peut-être aller prendre l'air aussi, parfois ça fait du bien. Ça c'est moi qui le dis, c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Aller prendre l'air ou faire les ablutions comme certains savants le recommandent, tout ceci peut aider justement à faire taire la colère, puis à régler le problème plus tard. Surtout dans les problèmes de couple, les frères et les sœurs, dans les problèmes de couple. On ne peut pas régler les problèmes de couple sous la colère. Quand on est en colère, il vaut mieux retarder la discussion à plus tard. Quand on voit qu'on se met en colère, on ne peut pas discuter. Il faut que l'homme, il soit sage. Il sort, il dit, on va parler de ça tout à l'heure. Même si la femme, elle se fâche, elle crie non tout de suite. Il lui dit, je ne fuis pas la discussion, je vais revenir, on va discuter, mais quand on sera calme. Calme-toi de ton côté, je me calme de mon côté, on rediscutera. Là, ça ne sert à rien. فالحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. Le 17e hadith, selon Abi Ya'la, Shaddad ibn Aws, radiallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a prescrit l'ihsan. Donc ici, on a vu l'ihsan auparavant, qui était l'excellence ou la perfection. Et ici, ça pourrait être la bienfaisance. En toute chose, quand vous tuez, faites-le de façon de la meilleure des façons, et quand vous sacrifiez une bête, faites-le de la meilleure des façons, aiguisez bien votre lame et accordez à la victime le temps suffisant pour mourir. Ce hadith, rapporté par l'imam muslim de Shaddad ibn Aws, radiallahu anhu, dans lequel il a dit, j'ai mémorisé du prophète sallallahu alayhi wa sallam deux choses, puis il a cité ce hadith. Quand il a dit, Allah a écrit la bienfaisance ou l'excellence. On avait fait la différence entre excellence, perfection et bienfaisance, n'est-ce pas? Dans le hadith de Jibril. On avait dit que la meilleure façon de traduire l'ihsan, c'est la perfection ou l'excellence. Pourquoi? Parce que cela englobe l'ihsan avec Allah et l'ihsan avec les créatures. Alors que la bienfaisance, c'est spécifique à toi avec les créatures. Donc Allah a écrit la perfection ou l'excellence dans toute chose. Cette écriture, quand on dit Allah a écrit l'excellence dans toute chose, est-ce que cela concerne ce qu'il a écrit dans sa destinée ou ce qu'il a écrit, c'est-à-dire religieusement parlant, ce qu'il a ordonné? En vérité, cela concerne les deux. Allah tabaraka wa ta'ala, il a écrit la perfection dans toute chose, c'est-à-dire que toute chose qui est dans la destinée, qui se passe dans l'univers, c'est fait d'une manière parfaite et pour une finalité parfaite. Même si nous, on en voit les manquements. Par exemple, on voit le mal sur terre. Mais ce mal, il est dans un objectif plus grand, qui est en finalité fait de manière parfaite par Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est l'épreuve pour laquelle on a été créé. Puis le jugement, puis le paradis, puis l'enfer. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a écrit la perfection dans toute chose. Que ce soit dans la destinée, de même qu'il a écrit la perfection dans toute chose et la bienfaisance dans les ordres religieux. C'est-à-dire que même dans les ordres religieux, on doit chercher à les faire avec perfection, avec excellence. Même il a donné deux exemples qui sont des moments douloureux, comme le combat. Quand on combat dans le djihad fi sabilillah, dans le combat sur le sentier d'Allah, même dans ce moment-là, on doit combattre et tuer de la meilleure des manières, c'est-à-dire sans mutiler, sans torturer, sans etc. Et même quand on doit sacrifier une bête et lui enlever la vie, on doit le faire de la manière la plus douce possible. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que dans deux choses qui sont à la base violentes, même dans ces deux cas, dans ces deux actes qui sont à la base violents, mais qui sont nécessaires, on doit les faire avec perfection et avec la meilleure des manières pour ne pas faire souffrir la bête quand on l'égorge, quand on la sacrifie, ou pour faire souffrir le moins possible l'ennemi quand on le combat. C'est-à-dire, quand si on est amené à le tuer, on ne le mutile pas, on ne le torture pas, etc. Et ceci montre comment l'islam est venu réglementer chaque détail de la vie, même les détails les plus difficiles. Le combat, le fait de sacrifier une bête, certains cas qui sont liés dans des conflits entre les gens, dans une famille, il n'y a pas un point que l'islam n'est pas venu détailler. Et n'est pas venu avec une législation parfaite. Parfaite, qui est appropriée à la nature humaine. Qui est appropriée à la nature humaine. Effectivement, des gens, ils sont, certaines personnes viendraient à critiquer les lois islamiques parce qu'ils ont une vision utopique de l'humain. L'humain est bon, l'humain ne pense jamais au mal, l'humain ne fait pas de mal. Regarde autour de toi, mon frère. Ouvre les yeux. Regarde l'histoire de l'humanité. Regarde derrière, regarde dans laquelle tu vis maintenant. Comment ça, l'humain ne fait pas de mal et l'humain aime le bien et ne... Non. L'humain, quand il a le pouvoir, il fait du mal. S'il ne craint pas Allah. S'il ne craint pas Allah, c'est toujours la loi du plus fort qui règne. C'est pas la loi de la justice. C'est faux, ça. Celui qui croit ça, il ment aux gens et il se ment à lui-même. La loi de la justice, elle règne quand les musulmans sont forts. Parce que les musulmans craignent Allah. Et que même quand ils sont forts, ils sont justes. Avec leurs amis, avec leurs ennemis, avec leurs co-religionnaires, avec les gens des autres religions. Parce qu'un musulman, il craint Allah. Et il sait qu'il va rendre des comptes pour chaque chose et chaque acte qu'il va faire. Et son objectif n'est pas s'enorgueillir sur les autres, mais son objectif est d'établir la loi d'Allah et la justice sur terre. Une grande différence entre le musulman qui veut cela et entre les gens qui ont des philosophies matérialistes ou autres, leur seul objectif, c'est de répandre le fasad, la corruption et le mal, et s'enorgueillir sur les autres et profiter des richesses des autres et mettre les gens à l'esclavage. C'est pour cela que, subhanallah, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas musulmans dans l'histoire qui ont toujours aimé et défendu et voulu vivre sous la charia, sous les lois d'Allah, sous les musulmans. Jusqu'à maintenant, c'est connu cela, il y a des religieux d'autres religions. Il y avait même un témoignage d'un religieux, d'un représentant religieux juif, il a dit, nous, ça ne nous dérange pas de vivre sous la charia, ça nous va très bien. Parce qu'il sait que ses droits, ils seront protégés. D'ailleurs, quand ils ont été chassés d'Europe, au moment de l'Inquisition, où est-ce que les juifs se sont enfuis? Avec les musulmans. Ils ne sont pas restés en Europe. Ils se sont enfuis avec les musulmans au Maghreb. Parce qu'ils étaient bien avec les musulmans. Ils se sont enfuis au Maghreb, ils sont restés avec les musulmans au Maghreb. Al-Hadith al-Thamin al-Ashar, le 18e hadith. An Abi Dharr, Jundub ibn Junadata, وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح لذلك حديث دبر ابو ذر جندب بن جناده Et Abu Abd al-Rahman, Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, prémunis-toi envers Allah, où que tu sois. Fais suivre la mauvaise action d'une bonne action, celle-ci l'effacera. Et comporte-toi avec les gens en faisant preuve d'une haute moralité. Ce hadith rapporté par Tirmidhi, c'est le hadith de Abu Dharr. En vérité, le hadith de Mu'adh ibn Jabal, il a été rajouté, enfin le nom de Mu'adh ibn Jabal a été rajouté par certains rapporteurs, mais c'est une erreur de leur part. Le hadith de Mu'adh ibn Jabal est un autre hadith, dans lequel il y a certaines paroles qui ressemblent à celui-ci, à ce hadith, mais ce n'est pas ce hadith. Dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enjoint de préserver deux droits. Le premier, c'est le droit d'Allah, qui sont deux. Le fait de le craindre, de se prémunir d'Allah tabarak wa ta'ala contre tous ceux que l'on peut craindre. De se prémunir d'Allah subhanahu wa ta'ala contre tous ceux que l'on peut craindre. C'est-à-dire que le serviteur prend des précautions, quelque chose qui peut le protéger entre lui et ceux qu'il peut craindre. Quand on dit ceux qu'il peut craindre, c'est quoi ? La crainte d'Allah, on peut craindre Allah, on peut craindre son châtiment, le mal qu'il le touche. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit, elle nous a ordonné la taqwa. La taqwa, c'est ça, c'est de se prémunir, de prendre des précautions, des protections contre quelque chose. Et quelle est cette protection ? Cette protection, c'est le fait de mettre en application les ordres légaux, le discours religieux. Que ce soit dans le fait de rendre véridiques les informations concernant la croyance, c'est-à-dire croire en ce qu'Allah nous a révélé dans les choses de l'au-delà, les piliers de la foi concernant Allah, concernant ses messagers, etc. Le fait de mettre en pratique le discours religieux, le discours légal, c'est aussi mettre en pratique les ordres. Quand Allah Ta'ala dit accomplissez la salat, c'est le fait de la faire, de l'accomplir. Le fait de mettre en pratique le discours religieux, c'est-à-dire le discours légal, c'est aussi de délaisser ce qu'Allah nous a interdit de faire. Donc, la mise en pratique du discours religieux, c'est rendre véridiques les informations, mettre en pratique les ordres et délaisser les interdits. Le délaissement fait partie aussi des ordres qu'on a reçus. Donc ça, c'est la première partie qui concerne le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième partie qui concerne le droit des gens. وخالق الناس بخلق حسن. Et comporte-toi avec les gens en faisant preuve d'une haute moralité. Al-khuluq, il a deux sens. Un sens général, comme quand Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. En parlant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans sourate Al-Qalam, et certes, tu jouis, ô Muhammad, d'une haute moralité. Ici, quand Allah Ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu jouis d'une haute moralité, c'est-à-dire une grande religiosité, une grande religion. Cela englobe toute la religion. Ô Muhammad, tu es sur une grande religion, ou la religion avec laquelle tu as été envoyé est une grande religion. Immense. Ça, c'est le sens général de la moralité. Tout ce avec quoi l'islam est venu. La religion, c'est la moralité. Et il y a un sens précis de la moralité, c'est la manière d'agir avec les gens, le comportement avec les gens. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint de se comporter d'une bonne manière avec les gens. De se comporter d'une bonne manière avec les gens. Cette bonne manière-là, que ce soit dans les paroles ou que ce soit dans les actes. Et ces bonnes manières-là, il y en a parmi elles qui sont obligatoires et il y en a d'autres qui sont recommandées, qui ne sont pas obligatoires. Et tout ceci revient à ce que l'on avait cité auparavant dans le sens de l'ihsan, l'ihsan, la bienfaisance envers les créatures. الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه أو رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. جزنا بهم حديث، حديث أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. إلى دي J'étais un jour derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sur sa monture. Il me dit: ô jeune homme, je vais t'enseigner quelques préceptes. Préserve Allah, ou les ordres d'Allah, Allah te préservera. Préserve la religion d'Allah et tu le trouveras toujours devant toi. Quand tu as une demande à adresser, adresse-la à Allah. Quand tu cherches de l'aide, demande-la à Allah. Sache que si toute la communauté se réunissait pour te faire le moindre bien, il ne te ferait que le bien qu'Allah a écrit en ta faveur. Et s'ils se réunissaient tous pour te causer le moindre dommage, il ne te causerait que le dommage qu'Allah a écrit en ta défaveur. Les calames du destin, fussent-ils relevés, et les feuillets bien secs. Selon une autre version rapportée par autre que Tirmidhi, donc cette version est rapportée par l'imam Tirmidhi, rahimahullah. Selon une autre version rapportée par autre que l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, il y a ceci: préserve Allah, ou préserve la religion d'Allah, tu le trouveras devant toi. Connais Allah dans les moments d'aisance, il te connaîtra dans les moments de détresse. Sache que rien de ce qui doit te manquer ne saurait t'atteindre, et rien de ce qui doit t'atteindre ne saurait te manquer. Sache que le secours vient après la patience, la délivrance suit la détresse, et que le malaise est accompagné d'une aise et d'une facilité. Ce hadith est rapporté par Tirmidhi dans son Jami', qui a une chaîne de transmission bonne. L'autre version, elle est rapportée par Ibn Humayd dans son Musnad, avec une chaîne de transmission faible. Mais il y a certaines parties dedans qui sont renforcées, qui viennent dans le même sens que le premier hadith. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ô jeune homme, je vais t'enseigner ces quelques paroles, ces quelques préceptes. Préserve les ordres d'Allah, ou la religion d'Allah. Ihfadillah, préserve Allah. Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est-à-dire préserver son ordre. Préserve l'ordre d'Allah. Préserver l'ordre d'Allah, cela a deux sens. Préserver son ordre lié à la destinée, et préserver son ordre lié à la législation. L'ordre lié à la destinée, c'est-à-dire que quand la personne elle est atteinte par une difficulté, il patiente. Il préserve l'ordre d'Allah en patiente. Et il ne se met pas en colère. L'ordre lié à la législation, c'est le fait de rendre véridiques les informations venant de la part d'Allah et de son messager. Et c'est le fait de mettre en pratique ce qu'Allah a demandé. Et la demande, Cela peut être le fait de faire quelque chose ou de délaisser, comme on a vu tout à l'heure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a démontré la récompense de celui qui préserve l'ordre d'Allah. Elle est que Allah te préservera et elle est que tu trouveras Allah devant toi. Donc, la personne va gagner deux choses en préservant l'ordre d'Allah. C'est que Allah tabaraka wa ta'ala va le préserver du mal. Et quand il dit tu trouveras Allah devant toi ou à tes côtés, c'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala va te secourir et t'aider à l'accomplissement de tes actions. Donc, et tu es préservé du mal et Allah va t'aider et te secourir et t'apporter son soutien, te soutenir dans les choses que tu entreprends. Dans sa parole, les calames du destin sont désormais levés, c'est-à-dire les plumes du destin. Et les feuillets sont désormais bien secs, c'est-à-dire concernant la destinée. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala a déjà tout prédestiné et que tout ceci est dans un livre gardé. Dans sa parole, connais Allah dans ton aisance et Allah te connaîtra dans les moments de difficulté. Ceci montre une œuvre et sa récompense. L'œuvre, c'est que le serviteur, il connaisse son Seigneur. Et la récompense de ceci, c'est que le Seigneur connaîtra son serviteur. La connaissance du serviteur de son Seigneur, c'est tout d'abord de reconnaître sa seigneurie. Puis de reconnaître sa divinité, qu'il est le seul qui mérite d'être adoré. La première partie, le fait de reconnaître qu'Allah est le Seigneur, le musulman et le mushrik et le kafir sont réunis dans cette partie. Il y a beaucoup de mécréants qui reconnaissent qu'Allah est le Créateur et le Seigneur. Mais la deuxième partie, qui est le fait de connaître la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est spécifique aux monothéistes, qui vouent un culte exclusif à Allah, et qui l'adorent, et qui se soumettent à lui en rendant véridique le Coran et la Sunna, et en obéissant aux ordres du Coran et la Sunna. Donc ça c'est spécifique aux croyants, aux gens de l'islam. La récompense de cela, c'est que le Seigneur, il connaît son serviteur. La connaissance d'Allah de ses serviteurs, elle est de deux sortes. La première partie, la connaissance de tout ce que ses serviteurs font, c'est-à-dire la science. Allah a science et connaissance de ce que font tous ses serviteurs, bons ou mauvais. La deuxième, elle est spécifique aux croyants. C'est-à-dire qu'Allah le connaît dans le moment de la difficulté, c'est-à-dire Allah le soutient. Allah le raffermit. Allah lui permet, dans les moments de difficulté, de faire les bons choix. Et ça, c'est spécifique à ceux qui mettent en pratique ce hadith, c'est-à-dire qu'ils connaissent Allah dans les moments d'aisance. Le fait de la connaissance d'Allah, et la récompense de ceci, c'est que Allah connaisse son serviteur. C'est un chapitre énorme des chapitres de l'islam qui est lié à la purification des âmes, qui est lié à la science de ce qui est dans nos poitrines. Et non pas seulement la science extérieure, de la connaissance des règles et de ses études. Beaucoup parmi les pieux prédécesseurs ont donné une grande importance à cette science. Et ils ont écrit des ouvrages en cela. Parmi ceux-là, il y a l'imam Ahmed ibn Hanbal qui a écrit son ouvrage « Az-Zuhd ». Aussi, son élève, l'imam, le muhaddith, Abu Daoud Sijistani, celui qui a le livre Sunan, Abu Daoud, qui a écrit aussi son livre Zuhd, l'ascétisme. Zuhd, ça veut dire l'ascétisme. De même que Waqi' ibn al-Jarrah, qui a écrit Zuhd aussi. Al-Hannad ibn Sarri, qui a écrit aussi Zuhd. Abu Bakr al-Bayhaqi, qui a écrit Zuhd. Ibn Abi Asim, aussi qui a écrit Zuhd. Tout cela, ils ont écrit dans l'ascétisme. De même, les livres d'Ibn Abi Dunya. Il a beaucoup d'ouvrages concernant la purification de l'âme. Beaucoup d'ouvrages. Ibn Abi Dunya. Il a un ouvrage qui s'appelle Garder le silence. Un ouvrage entier. Les bienfaits de garder le silence. Un ouvrage qui parle que de ça. Al-Samt. Ça, c'est parmi les pieux prédécesseurs. Puis, dans ceux qui les ont suivis parmi les imams, comme Abu al-Abbas ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim et son élève, l'élève d'Ibn al-Qayyim, Ibn Rajab, qui ont écrit dans ce domaine-là. Ibn Abbas, il a écrit Al-Tuhfat al-Iraqiyya et l'Istiqama. Ibn al-Qayyim dans Al-Jawab al-Kafi et dans Madarij al-Salikin. Et Abi al-Faraj ibn Rajab dans Al-Istiqama, Nasim al-Uns. Tous ces livres sont des livres qui donnent une grande importance à ce côté-là. Le côté de la purification de l'âme. Des maladies du cœur. Des maladies internes. Celui qui apprend la science seulement des règles, sans donner une importance à ce côté-là de la science, alors cela peut être très dangereux pour lui. Aussi, il est important de souligner qu'en dehors de ces imams illustres que l'on a cités, beaucoup d'hérétiques et d'égarés ont parlé de ce sujet. D'où beaucoup de sectes se sont créées. Et ils en ont déduit des histoires forgées et des pratiques innovées dans l'islam, des croyances innovées, jusqu'à même arriver jusqu'au polythéisme majeur. Alors que ce sujet a été traité d'une manière propre, conforme à la sunna, par les imams de la sunna. Donc, on peut se passer largement des ouvrages écrits par les égarés dans ce domaine. Et se suffire des ouvrages écrits par les connaisseurs d'Allah qui ont détaillé ce domaine qui est la purification de l'âme et les maladies intérieures. Comme l'imam Ahmed, l'imam Abi Daoud, Ibn Abi Dunya, Ibn Abi Asim, tout ce que l'on a cité. Puis plus tard, Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, Ibn Rajab. Ceux-là sont des imams de l'islam qui ont traité ces sujets et qui les ont développés. D'ailleurs, il est très important d'étudier ces ouvrages pour comprendre les vices cachés et les maladies du cœur et les pièges de Shaytan. Et pouvoir évoluer et se développer dans notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un cheminement. Cette vie, c'est un cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce cheminement, il doit se passer comme Allah aime. Et non pas en s'inspirant des croyances et religions égarées autres que les sources pures et sûres du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ceci fait partie justement de l'ihsan. Cette recherche de la perfection continuelle, cette recherche de l'excellence dans nos adorations, dans nos croyances, dans nos états apparents ou cachés. D'ailleurs, les plus grandes des adorations sont des adorations du cœur, comme les plus grands péchés peuvent être des péchés du cœur. Le musulman doit donner une très grande importance à son morceau de chair, que quand il est pur, tout le cœur est pur, tout le corps est pur, et quand il est impur, tout le corps est impur, n'est-ce pas que c'est le cœur ? Si quelqu'un a une très belle apparence, mais son cœur est rempli d'innovations, de mauvaises croyances, de jalousie, de haine, d'orgueil, d'ostentation, etc. Alors, subhanallah, cette personne-là, il a tout perdu. Comme il est venu dans le hadith, Inna Allah la yanduru ila ajsamikum wa la ila suwarikum, walakin yanduru ila qulubikum wa ahmalikum. Allah ne regarde ni vos corps, ni vos images, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres et vos actes. Vos cœurs et vos actes. Donc, l'étudiant en sciences et le musulman doit se concentrer sur la connaissance des règles apparentes et extérieures et aussi apprendre les règles concernant l'intérieur, l'âme. Ce qui corrige l'âme, ce qui la purifie et les maladies qui peuvent la toucher et les dangers. Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve et nous permette de purifier nos poitrines et d'être parmi les serviteurs aimés et protégés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.